faire des rappeurs farfelus qui sont sur mon cul, je te jure. Qui è Radio Alice? Tutti i compagni giù in piazza, questa è guerriglia, porco Dio! Che casino, però ci voleva! Quel bordel! Quel bordel! C'est nécessaire! Lavorare! Lavorare con lentezza, lavorare. Non più parole, ma più accendi piombo. Nous étions en 1966. C'est la... Je commençais à me rendre compte que même la condition ouvrière était intolérable pour un révolutionnaire. Certes, on n'a rien fait sur la place ouvrière. Chaque jour, je me rendais mieux compte du système. Chaque jour, j'essayais de lui faire les comptes. J'ai travaillé tant, il me donne tant. Le reste disparaît dans la poche du patron. Je commençais à me rendre compte que même la condition ouvrière était intolérable pour un révolutionnaire. Certes, on ne peut rien faire sans la classe ouvrière, pensais-je. Mais grâce à l'exploitation des ouvriers, le patron accumule les capitaux qu'il utilise pour écraser tous les opprimés. Nous travaillons pour l'enrichir, pour augmenter sa force et son arrogance. Et nos luttes économiques ne servent qu'à lui arracher quelques miettes, rien d'autre. À la fin de la journée, je me disais, tu as donné une fois de plus un coup de main au patron pour qu'il le reste. Nous en arrivâmes à nous poser sérieusement la question. Pierrot attaqua le sujet. Nous sommes désormais tous d'accord sur un point. Nous en avons marre de notre situation personnelle. Nous en avons marre d'être des moutons. Le fait qu'il y ait en Italie des millions de moutons n'est pas une excuse suffisante pour continuer à l'être. Nous devons commencer. En Italie, il y a des possibilités pour la guérilla urbaine, pour faire des actes de sabotage. La police ne vaut pas un rond. Ses meilleurs hommes sont des déchets de la société. Il faut prouver aux ouvriers qu'ils ne doivent pas avoir peur, que le PCI raconte des histoires. Et puis, on peut monter des actions qui provoqueraient de sérieuses crises dans l'économie d'une ville. Bloquer Fiat en faisant sauter les centrales électriques, les ponts, les voies des chemins de fer, foutre les bordels partout. Couper les aqueducs, ce sont des choses que nous pouvons faire. Nous frapperons au cœur les profits de ces salauds. Danilo intervint. Mais pour faire tout cela, nous avons besoin d'argent. Il faut les prendre aux riches. J'ai déjà noté beaucoup d'objectifs possibles. Il faut les contrôler et voir si nous sommes capables de mener à bien l'action. Pierrot proposa son plan. Ce sont les banques que nous devons attaquer. Elles sont les symboles du capitalisme financier. Des monstres anonymes et puissants. Pour attaquer une banque, nous n'avons besoin ni d'indicateurs, ni de resellers. Il était temps de couper les ponts. Je laissais définitivement tomber toute charge et toute activité de parti. Je me disais qu'il y avait deux manières de quitter le Parti communiste. Ou bien l'on passait de l'autre côté, plus ou moins ouvertement, devenant ainsi les laquais de la bourgeoisie, ou bien l'on rompait avec tout compromis, en se saisissant de la mitraillette. Après avoir donné l'assaut à trois banques de Milan en l'espace de 48 minutes, nous décidâmes d'abandonner complètement la Lombardie. C'était le 12 novembre 1965. Avec Pierrot, j'insistais sur l'aspect politique de tout cela. En effet, pensais-je, après des actions de guérilla, ces méthodes seront élargies à des centaines et à des milliers de personnes. Les camarades qui dorment maintenant sur leurs deux oreilles en faisant confiance au fonctionnement démocratique se réveilleront brutalement en sentant le fond à leurs trousses. Pierrot m'appuya pour dire que j'avais raison. Qu'un hold-up pouvait être révolutionnaire. À partir de ce moment-là, notre destin fut irrémédiablement scellé. Le hold-up devint pour Pierrot la seule activité acceptable. Les banques inventèrent alors le système du gardien à l'entrée. Mais il nous fallut peu de temps pour leur démontrer que cela ne servait pas à grand-chose. En effet, en plus du butin, nous pouvons gagner un pistolet, celui du policier. Pelle rosse cara sticca te la cama stregna nel bar e ma fatti sciare. Pelle rosse. Bonjour et bienvenue sur les fréquences de Radio Galère 88.4. Et on est sur le créneau de Libre Débat, mais comme tous les premiers mercredis du mois, Libre Débat héberge Quel bordel, mais c'était nécessaire. Che casino, però ci voleva. Une émission sur l'histoire de lutte autonome en Italie, qui est déjà arrivée à son quatrième épisode. Cet épisode s'intitule « Dopo Marx, Aprile », après Marx, Avril. Et après que la dernière fois, on a vu comment les luttes se sont autonomisées dans les usines par rapport aux syndicats et aux partis. Aujourd'hui, on va faire un parcours un peu plus, moins cohérente, mais plus variée. Et on va voir comment les... En même temps, l'émission porte son nom pour ça. Oui, et comme on a toujours dit, c'est une émission qui est bordélique dans la manière et dans la matière. Et donc là, on va voir, au-delà des usines, aussi les écoles et les universités. C'est-à-dire, on va voir comme d'autres sujets aussi, et aussi en général dans la société italienne, commencent à mener des luttes qui se déroulent complètement en dehors du cadre traditionnel des partis et des syndicats. Et on va voir aussi comment est-ce que ces luttes-là, elles sont nourries et alimentées par ce qui se passe au niveau international, notamment avec les mouvements de libération, avec les mouvements anticoloniaux et avec les mouvements pour les droits civiques, les mouvements pacifistes, qui se bat par rapport à ce qui se passe au Vietnam. Mais donc pour voir un peu de point de vue institutionnel ce qui se passe pendant ces années-là en Italie. Donc en gros, aujourd'hui, on va voir ce qui se passe entre le 1966 et le 1968. Pour la deuxième fois, on va essayer d'arriver jusqu'à 1968. Mais on est presque sûr qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on a mis avril dans les titres, parce que justement, ça vient avant le mai de 1968. Et ben, alors, il faut savoir qu'on a oublié de dire la dernière fois qu'en 1964, il y a le camarade Palmiro Togliatti qui meurt. On l'a cité plusieurs fois dans cette émission parce qu'il a été le secrétaire du Parti communiste le plus important après la guerre. On avoue que c'est lui qui a mené toute la stratégie de la reconstruction et de la pacification en Italie. Qui a trahi. Pardon ? Non, j'ai juste dit qui a trahi. Oui, qui a trahi la vraie cause communiste, si on voulait dire comme ça. Et donc, Palmiro Togliatti meurt, mais désormais, on peut dire que par rapport à ce qu'on a vu, la dernière fois, on se rappelle la révolte de Piazza Statuto, qui signe vraiment les points de rupture de la stratégie des syndicats et donc du Parti communiste dans les usines, et qui, avec lui, on peut dire aussi, c'est failli son, sa stratégie. Et par contre, donc, on voit se mettre en place après, dans les parlements italiens, le, disons le, ce qu'on peut appeler le centre-gauche, et de, à partir de 1963 au 1968, justement, ça sera Aldo Moro, un personnage qu'on verra plus tard aussi dans l'émission, qui sera le président du conseil en Italie. Et qu'on finira par ne plus voir du tout à un moment. Ça. On devrait quand même le citer, vu qu'à un moment, il va mourir. Donc, bon, il faudra bien voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Laisser faire tuer par les Brigades Rouges. Et donc, c'est le centre-gauche qui est formé, en gros, de la démocratie chrétienne, donc dont je crois qu'on a parlé un petit peu la fois d'avant. Et donc, c'est la démocratie chrétienne avec notamment les partis socialistes, donc une espèce de grande union des centres. Mais donc, qu'est-ce qu'on a écouté avant d'arriver là, en introduction de cette émission? On a écouté deux musiques qui viennent encore une fois du Sud, vu qu'on a beaucoup parlé de l'émigration interne, notamment des ouvriers qui partaient du Sud d'Italie pour aller travailler dans les grandes usines du Nord. On verra dans cette émission qu'une histoire assez similaire se passe aussi pour les étudiants, parce qu'il y a des villes, comme par exemple la ville de Trento, qui devient de destination pour plusieurs étudiants qui arrivent un peu de toute l'Italie. Et on a écouté deux morceaux qui sont des morceaux de tamburiata, c'est-à-dire la tarantella qui se joue avec les tambourins. Et le dernier s'intitule « Volesse diventare un brigante », c'est-à-dire « Si tu veux devenir un brigand ». Et on a écouté ces morceaux par rapport à ce qu'on vient de lire. Vu qu'en fait, il s'agit de un peu devenir des brigands. Et ça fait un peu, c'est un peu la suite de ce dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire cette condition ouvrière que pour les partis communistes devait être la base du projet du socialisme d'État, et qui par contre ça échappe et qui devient au contraire une condition de subversion et d'antagonisme par rapport à ce que les partis communistes voulaient. Et que petit à petit, ça mènera jusqu'à ce que, mais ça c'est une autre histoire qu'on va raconter plus tard, à le refus de la condition d'ouvrier, même le refus du travail en lui-même. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà avec cette lecture qu'on a tirée de Sant'Enotarnicola. Du coup, ouais. Sant'Enotarnicola, c'est quelqu'un qui vient du sud de l'Italie et qui a, comme beaucoup de gens, comme on vient de le dire, qui a émigré dans les grandes villes du nord industriel, là à savoir à Turin, dans le quartier de Barriera di Milano, qui est un quartier pauvre du nord de Turin. Et du coup, lui, à la fin des années 50, il est encarté dans le Parti communiste. Il va distribuer l'Unita, qui est du coup le journal du Parti communiste. Mais il a notamment participé aux grèves et aux affrontements de Piazza Statuto en 1962. On a lu un extrait de lui aussi la dernière fois, où il raconte qu'il balance la table de salami dans la gueule des dirigeants du parti parce qu'il les traite de fascistes. Et donc, il consomme sa rupture avec le Parti communiste en se mettant à braquer des banques. Et c'est ce qu'il raconte dans le bouquin dont on a lu un extrait qui s'appelle en français « La révolte à perpétuité ». Et donc, de la fin des années 50, 59 à peu près, jusqu'en 67, la date où il est arrêté. Donc, où il est arrêté le 2 octobre 1967, après 8 jours de cavale, après un braquage qui a mal tourné dans la ville de Milan, si je me souviens bien. Ouais. Ou dans lequel du coup il y a eu des morts et tout ça, il y a une traque nationale, c'est passé dans tous les journaux. Et lui du coup a quitté le Parti communiste pour ça, et il s'est rapproché des idées anarchistes, notamment en prison, parce qu'il a continué à lutter en prison à partir de 1967 et pendant très très longtemps. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années là. Et donc, pardon. Et donc c'est aussi pour ça qu'on se disait que c'était intéressant, que ça avait du sens de mettre une chanson après qui disait « Si tu veux devenir un brigand ». Alors, sur les thèmes des brigands, on va toujours écouter un morceau. On va faire un petit truc un peu de distanciation. On va passer aux années 2000 avec Assalti Frontali, Banditi nella Sala. Vous connaissez un peu des brigands aussi dans cette salle. Nel buio nero accendo un cero, un pensiero al guerrigliero. Due cinturoni spalla, in testa al sombrero. Lui dava scuole poveri e che scuole che scintilla. Non si arrese mai il nemico, Francisco Pacciovilla. In mezzo a balle di cotone, a balle da televisione. C'è una penna uscita di prigione. Lui dava buon umore, dava rabbia per lui mille fuochi gialli. Come un campo di mais, bandito da Harlem qui con noi. Chester Ice, banditi nella sala, la mia buccia mal. Dal braccio della morte in Pennsylvania, più del petto tal. Lui grida verità, voce dei senza voce. Foce di libertà contro la polizia feroce. La vita è cara, la legge ci spara. Dove vai ragazzo solo al parco di Torpignattara? Per due canne ci hanno detto sei caduto dalla scala. Alza la mano per Stefano Cucchi nella sala. Banditi nella sala, accendini in aria. Fateli sentire nella notte cupe avara. Banditi nella sala, la gente a me più cara. Baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria. Fateli sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente a me più cara, baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi nella sala, banditi dalla patria. Scolpiti sulla pietra, scordati dalla storia. Rivivono in canzoni di giovani pirati. Atti di rivoluzione mai dimenticati. Zamboni si chiamava Teo, nel 1926 fu linciato in quel corteo. Aveva 15 anni e un sogno, uccidere Benito. Figlio di un anarchico sparò però non ha colpito. Ora questa strada dove noi camminiamo porta il suo nome, noi non lo sappiamo. Gaetano Bresci invece ce l'ha fatta, tre colpi di pistola per far fuori quel monarca. Banditi d'altri tempi che maestri non ci insegnano. Maestri, banditi, ma i banditi non ti spiegano. Banditi nella sala, più fuoco, accendini su come i Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria. Fateli sentire nella notte cupe avara. Banditi nella sala, la gente a me più cara. Baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria. Fateli sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente a me più cara. Baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi su ritmi scandiscono i momenti grigi. Agiscono invece di scazzi, cercano intese. Lì si sprecano offese. Qui si accettano offerte, ma a fine mese le rime pese, muovono cine prese, tutto in diretta su un link segreto. Il team scappa dal retro, tappa dopo tappa, costruendo un tempio che non crolla col vento e non si subappalta a chi ruba. Si parla, si balla, ci si aiuta e ci si saluta all'alba. Oh, ma che sorpresa è, sa insieme siamo già in ripresa. Anche noi facciamo ronde e facciamo ronde in chiesa. Mamme scriteriate lasciano bambini a catechesi, dietro le pareti con i preti per interi mesi. Noi abbiamo il rap, il reg, il rock steady. Accendiamo fuochi nella notte e cadiamo in piedi. Il bandito fa la differenza quando entra in ballo. Io di un solo don mi fido, il suo nome è Don Gallo. Ora la sala si riscalda, brucia l'atelier. Siamo al lavoro nel laboratorio e tu lo sai perché il bagliore si accende. Lo riconosco il volto colto del bandito, quello non si arrende. Et donc, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, là on parle de 65, 66, 67, en gros, et à partir de 1966, l'expansion de l'économie capitaliste en Europe s'essouffle à cause de la concurrence acharnée, des délocalisations et la modernisation des industries qui permettent de produire en plus grande quantité et plus vite. Donc face à cette crise, les industriels réorganisent la production par l'exploitation maximum des ressources et la rationalisation du travail industriel, en imposant l'accélération des cadences, la construction de nouvelles unités de production plus modernes, et du coup la division du travail et tout ça. Et donc ça c'est quelque chose qui se passe au niveau européen, qui va profondément changer aussi la nature de ce qu'on pourrait appeler les sujets révolutionnaires, ou en tout cas de comment les ouvriers, on en a parlé un peu autour des ouvriers masse la dernière fois. Réécoutez l'émission différente, l'émission dernière si vous voulez savoir de quoi on parle, histoire de savoir si vous avez suivi. Et du coup, voilà, vu qu'en On va parler après, le but de cette émission, c'est de parler de 60 titres. On va aussi contextualiser un peu comment on arrive, même au niveau global, les événements les plus importants qui sont forcément conditionnés aussi, la politique en Italie, les mouvements en Italie et l'approche à celle qui était la grande révolution de 68. On va rappeler que d'abord, en 66, il y avait eu la grande révolution culturelle en Chine, menée par Mao, qui a un peu bouleversé en fait tous l'apparat dirigeant du Parti communiste en Chine. En fait, il y avait cette tendance des bourgeoises qui allait prendre qui allait se développer en Chine. Du coup, il a commencé à avoir beaucoup de révoltes en Chine les gardes rouges, des groupes en fait autonomes qui en fait se rebellaient et essayaient de se rebeller à cette tendance bourgeoise selon eux des groupes dirigeants du Parti communiste. Du coup, Mao se voit menacé en fait dans sa politique plutôt centraliste et du coup il décide à la fois une épuration de presque la moitié du parti dirigeant des chefs du Parti communiste et va commencer celle qui pendant 3 ans en fait ça va apporter en fait l'épuration de la plupart des dirigeants du Parti communiste notamment et dans les conflits qui suivent en fait la mort aussi d'un 500 000 personnes en 3 ans. Entre 500 000 et 1 million. Ouais. Et après avoir des estimations, c'est pas simple parce qu'à l'époque, c'était pas hyper simple. Hein. Aller voir qui a été tué en. Comment ça se vient bien aussi en Russie par des autres camarades. Et. Ouais, enfin, camarade, là, c'est peut-être un mot un tantinet exagéré. Je suis pas sûr d'avoir envie de l'employer. Mais du coup, dans les autres. Événements qui bouleversent totalement la vie politique. Donc on parlait d'un débraquage là, les gens qui ont été arrêtés le 3 octobre 67. Et bien 5 jours plus tard, Ernesto Guevara, dit le Che, meurt à La Higuera en Bolivie, dans laquelle il essayait de propager toutes les guérillas latino-américaines qui avaient cours, du coup les Tupamaros en Uruguay, après le succès de la révolution cubaine à la fin des années 50 aussi. Et du coup Guevara est reparti à l'assaut. Dans l'ouest de l'Amérique du Sud, mais il a été tué donc ce 8 octobre 1967, et ça c'est aussi quelque chose qui bouleverse profondément un peu le monde de la gauche révolutionnaire mondiale. Et aussi parce qu'il arrive à conditionner justement la gauche qui, d'un côté, il y avait aussi ce débat sur la figure plutôt emblématique de Che Guevara, qui, si d'un point de vue institutionnel, il a été apprécié aussi pour la lutte qu'il avait menée en Congo, d'abord, vers la fin de sa vie, avant d'y aller en Bolivie. En fait, il a pris comme un idéal symbole d'un altermondialisme ou d'un terzomondialisme. Ou en tout cas de la lutte contre l'impérialisme. De la lutte contre l'impérialisme, alors que, en fait, dans ses pratiques, lui, il n'a jamais revendiqué un pacifisme que parfois on veut lui coller dessus. Il n'a jamais revendiqué une révolution culturelle. Mais justement l'opposition directe contre le capital, chacun dans son pays, vu qu'il y a déjà une révolution en cours, chacun dans son pays doit mener une révolte avec la tendance à bloquer le capital dans son pays, dans ses conditions. Et la méthode qui Guevara, il a toujours utilisé, elle était... méthode des guérillas, il y a des guerres. Sur lesquelles il a d'ailleurs écrit un livre. Et sur la figure tiers-mondiste dont tu parlais, on peut rappeler que Guevara, quand il est en Bolivie, et notamment quand il part au Congo, bon, Congo c'est un sacré échec, quand il y part en 64, il n'a plus la citoyenneté cubaine, qu'il s'est lui-même fait retirer, après avoir fait le discours d'Alger en 64, où il dénonce l'URSS au même titre que les États-Unis, comme puissance impérialiste. Ce qui lui vaudra d'ailleurs une figure tiers-mondiste, également anti-soviétique plus tard. Du coup, ça, on voit que ça, en fait, tout ce discours de séparation vis-à-vis du Parti communiste et des instances dirigeantes de l'URSS, c'est pas seulement une dynamique qui a lieu en Italie, mais c'est quelque chose qui joue vraiment au niveau international. à travers toutes les guerres de libération et les mouvements locaux, quoi, on va dire. Et à propos de l'esprit vraiment révolutionnaire et des pratiques de Che Guevara, je viens aussi citer un passage directement de ce qu'il avait dit Che dans son écrit « Créer deux, trois, plusieurs Vietnam » à propos de la guerre du Vietnam et des révoltes qu'il avait menées. Ben c'est la haine comme facteur de lutte, la haine envers l'ennemi qui pousse l'être humain au-delà des limites naturelles et les transforme en une machine pour tuer, efficace, violente, sélective, froide. Nos combattants doivent être comme ça. Un peuple sans haine ne peut pas gagner contre un ennemi brutal. Effectivement, ça va pas très bien avec l'image de pacifiste qu'on a pu lui mettre sur le dos. L'image humaniste qu'on lui mettra sur le dos vient de l'autre citation qu'on répète à tout, il faut s'endurcir mais sans jamais se défaire de sa tendresse, qui est la phrase guévariste qui représente l'humanisme. Et bref, du coup, toujours pour rester sur le contexte international, toujours en 1967, à Berlin cette fois, il y a du coup le 2 juin 1967, il y a une visite du Shah d'Iran. Du coup, le Shah, on parle pas de l'animal, on parle du chef d'État, qui était un dictateur, en fait, tout bêtement, et qui, du coup, rend visite en Allemagne, et qui et donc une grosse manifestation qui se déroule contre sa présence à Berlin, le 2 juin 1967, au cours de laquelle la police allemande va tirer à balles réelles dans la foule. Et il y a un étudiant qui va mourir, et c'est... En tout cas, en ce qui concerne l'Allemagne, déjà, ça va être un élément fondamental. Il y a un groupe de lutte armée qui s'appellera le mouvement du 2 juin, ou les Tupamaros, Berlin-Ouest. On voit encore ces références aux guérillas d'Amérique latine qui se basent là-dessus. Et tout ce qui est à la RAF, et tout. Enfin, bref, c'est un événement qui provoque une onde de choc dans tout le monde de la gauche révolutionnaire, encore une fois. Et dans le monde des étudiants. Là, on est en 1967, et tout le monde sait ce qui se passe en 1968 dans les grandes lignes. Dans le monde étudiant. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment va bouleverser absolument tout le monde. D'ailleurs, juste pour rappeler quelque chose par rapport à 67 et aux étudiants, on peut aussi rappeler à Prague, quand tu disais la coupure par rapport à l'URSS et du coup aux partis communistes de divers pays soutenus par l'URSS, qui explosent notamment lors du printemps de Prague, où les autorités soviétiques font tirer sur les étudiants. Envoient les chars d'assaut. Et... Voilà, pour terminer, il ne faut pas oublier aussi, en fait, la révolution culturelle en Chine, ça a apporté aussi un nouvel esprit en Italie, en disant que la révolution, elle est permanente, avec ce rêve, en fait, que toutes révolutions sont possibles et que la révolution, il faut la mener de manière continue. Si en fait, la mort de Che Guevara, il a impressionné un peu le monde et du coup même les militants italiens qui se sont sentis les poids en fait de toutes les luttes et les révoltes qu'il avait fait dans le monde. Et ils avaient commencé à comprendre aussi l'internationalisme de ses actions. Il y a eu aussi, tout le monde s'est retrouvé face en fait à celle qui a été appelée la guerre des six jours, l'invasion d'Israël en 1967, du 5 juin ou 10 juin en fait, d'Israël vers la Palestine. Et en fait, Israël a attaqué des territoires de l'Égypte, de la Syrie, de la Jordanie, et il a tué des milliers de gens avec les consensus de tous les pays européens. Et a revendiqué ses actions comme un acte de défense. Tant que, à ce moment-là... Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Voilà. Tant que, on rappelle aussi que l'armée israélienne s'appelle IDF, comme Israel Defense Force. Israel Defense Force, du coup, c'est des forces de défense. Alors que... la défense d'Israël, on peut la voir plutôt comme un attaque. Ne dit-on pas que la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Et on peut utiliser aussi les mots d'Ilan Pappe, qui a été un historicien, qui a étudié la colonisation des territoires menés par Israël sur les territoires anciennement qui étaient avant de la Cisjordanie, de l'Égypte, de la Syrie. Et dans son bouquin « Le nettoyage ethnique de la Palestine », il dit « Comme les juifs israéliens les plus progressistes d'aujourd'hui, qui sont prêts à quitter les principes de la démocratie face à la perspective d'une majorité démographique constituée de non-juifs dans les pays. De la même façon, paraît-il, les sionistes socialistes ont vite remplacé les rêves les plus universels par une forte attraction pour le nationalisme. Et quand l'objectif principal est devenu celui de rendre la Palestine exclusivement juive plutôt que socialiste, il est significatif qu'il a été le mouvement labouriste à l'intérieur du sionisme qui a créé et mis en place le nettoyage ethnique de la population locale. Et donc, ces années-là, l'année 67 a été particulièrement chargée au niveau de ce qui a retourné le monde entier, ou en tout cas qui a vraiment retourné tout le monde politique, au moins en Europe occidentale, parce que l'année 67, c'est aussi l'année d'un coup d'État qui a lieu en Grèce. Oui, on a parlé plusieurs fois du réseau Gladio en Italie et en fait ce qui était la stratégie d'ingérence des États-Unis dans les pays européens pour faire face à ce qu'on appelle le danger communiste. Et en fait, c'est ce qui se passe en Grèce en 1967, disons, dans le cadre d'une opération qui est appelée l'opération Prometheus et qui sert exactement à ça. Alors, dans ces années-là, après que le Parti communiste et le Parti socialiste en Grèce deviennent de plus en plus forts, et après un événement qu'on connaît peut-être tous à travers un film très connu de Costa Gavras qui s'appelle Z. Dont on est en train d'écouter la musique d'ailleurs. Dont on est en train d'écouter la bande sonore. Et qui a été l'homicide par des fascistes dans la ville de Thessalonique de ce leader très populaire, très aimé du Parti Socialiste qui était Grigoris Lambrakis. D'ailleurs, le film Z, ça s'appelle comme ça parce que Z, en fait, c'est l'initial du verbe vivre, zi. Et c'est ce qui venait écrit sur les murs un peu partout pour dire que Grigoris Lambrakis, il était mort, mais il était encore vivant. Et donc, suite à ce coup d'État qui instaure un régime militaire des colonels, et c'est important en ce qui concerne l'Italie, parce que toutes les années que là on va traverser dans ces récits polymorphes qu'on essaye à faire, c'était des années où les mouvements sociaux ils ont pris vraiment une ampleur incroyable en termes quantitatifs et qualitatifs, mais il faut dire aussi que également les mouvements d'extrême droite ils ont eu leur part dans ces moments et ils étaient très actifs, et donc les néofascistes italiens commencent à s'appeler à ce qui se passe en Grèce, et il y a des liens très étroits qui se font entre la Grèce des colonels et les néofascistes en Italie. Par exemple, ils avaient dans ce moment là des slogans comme Ankara Atene adesso Roma viene, c'est à dire Ankara Atene maintenant Rome aussi et ça va venir, c'est à dire la même chose. C'est-à-dire un coup d'État qui puisse interrompre toute cette vague, cette nouvelle énergie qui est en train de commencer à exploser. Mais d'ailleurs, par rapport à comment, en effet, toute cette énergie qui est en train d'exploser, qui bien sûr est aperçue comme telle par l'État, par les institutions et par l'extrême droite et par les services secrets, etc. Et toutes ces belles personnes. On peut écouter un tout petit morceau d'un film. Encore une fois, on a écouté la dernière fois un morceau de La classe ouvrière va au paradis. Et là, on a encore une fois le même réalisateur et le même acteur. Mais dans cette scène d'enquête sur une citoyenne au-delà de tout soupçon, je ne sais pas comment on traduit ça en français exactement, mais où on écoute le protagoniste qui est un policier qui passe d'être le chef de l'équipe homicide à être le chef de l'équipe politique de la police à Rome. Et comme il Il raconte les contextes qui, les contextes italiens et comme il est nécessaire de, en gros, le réprimer et le gérer. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini e con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Alors, voilà, je trouve que ce morceau, il est vraiment assez exemplaire. Surtout si on comprend l'italien. Surtout si on comprend l'italien, oui. Mais ça fait aussi un bon lien avec cette première partie de l'émission parce que le nouveau chef de la police politique, il commence par dire que la situation... Les villes italiennes versent dans une situation où tout subversif peut devenir un criminel et tout criminel peut devenir un subversif. Et que la différence entre les délits politiques et les délits communs tend à être de plus en plus faible. Oui, et vous, qu'on a commencé en parlant des braquages de banque, ça relie bien. Et voilà. Et en même temps, sa réaction à lui, là, qu'on vient d'entendre, va très bien avec un autre slogan que les néo-fascistes criaient dans les manifestations après le coup d'État en Grèce, où ils criaient « Basta coi bordelli, vogliamo colonnelli ». Ce qui veut dire « Assez de bordel, nous voulons les colonels ». Oui, on a sympa marre comme des bordels, oui, c'est ça. Voilà, c'était un peu cette nécessité de, à un moment donné, vu que la situation devenait de moins en moins gérable par les forces politiques et par les forces institutionnelles, un besoin de rétablir l'ordre et de faire passer en fait ce que c'était des révoltes pour nécessité, pour des besoins, de les traiter, de les faire passer au même niveau que des crimes, des homicides. Normaux, quoi, des homicides, comment. Et alors que là, il s'agissait plutôt d'une revendication politique, d'une revendication d'un certain besoin et des groupes qui commençaient à se développer, et revendiquer une nouvelle stratégie. Et pour les banques, par exemple, c'était un moyen de financement pour une vie qui était une vie de clandestin. Et du coup, les seuls financements possibles, c'était braquer des banques ou les vols. Et l'État, la réponse de l'État a été une répression en les traitant comme des terroristes. Ou... Ce qui n'est pas sans nous rappeler, ce qui est pas sans nous rappeler la situation actuelle, dans un sens où, dans le bout du film qu'on a écouté, il dit aussi que la liberté est ce qui nous empêche de maintenir l'ordre, à peu près. Et du coup, quand aujourd'hui, en ces temps d'unité nationale, du non-national, contre le terrorisme et tout ça, quand on voit les militaires armés dans les rues, quand on voit tous les gens poursuivis et condamnés à de la prison pour avoir exprimé des doutes vis-à-vis de l'Union nationale, et on voit aussi que des choses qui sont des délits qu'on va dire communs sont aussi deviennent des délits qui sont définis politiques. Et donc c'est assez intéressant de faire ce travail de mémoire là pour voir qu'est-ce qui peut arriver. Et à propos du travail de mémoire, on va lire un extrait d'un poème de Yorgos Seferis, que, toujours pour maintenir en quelque sorte de fil conducteur avec la Grèce. C'est l'un des poètes les plus importants de la Grèce moderne, avec Odysseas Lytis, Yannis Ritsos, Konstantinos Kavafis. Et c'est justement un morceau qui parle de la mémoire. Et c'est tiré d'un recueil qui s'appelle Tetradio Gymnasmaton, c'est-à-dire... Les cahiers d'exercice. T'es prêt ? Matselegan, tanikisate, otan hypotartite. Hypotartikame, kevrikame, tistarkte. On nous disait, vous vaincrez quand vous vous soumettrez. Nous nous sommes soumis, et nous avons trouvé la cendre. Matselegan, tanikisate, otan agapisate. On nous disait, vous vaincrez quand vous aurez aimé. Nous avons aimé et nous avons trouvé la cendre. On nous disait, vous vaincrez quand vous aurez abandonné votre vie. Nous avons abandonné notre vie et nous avons trouvé la cendre. Nous avons trouvé la cendre. Menin axanavrume tis zoimas, tora pudenechume pia tipota. Il ne nous reste qu'à retrouver notre vie, maintenant que nous n'avons plus rien. Fantasme, εκείνος που θα ξαναβρει τη ζωή, έξω από τόσα χαρτιά, τόσα συναισθήματα, τόσες διαμάχες και τόσες διδασκαλίες, θα είναι κάποιος σαν εμάς, μόνο λιγάκι πιο σκληρός στη μνήμη. J'imagine que celui qui retrouvera la vie, malgré tant de papiers, de luttes, de sentiments, d'enseignements, sera quelqu'un comme vous et moi, avec une mémoire juste un peu plus tenace. Εμείς δεν μπορεί, θυμόμαστε c'est ακόμη τι δώσαμε. Εκείνος θα θυμάται μονάχα τι κέρδισε από την κάτσε του προσφορά. Pour nous, c'est difficile. Nous nous souvenons encore de ce que nous avons donné. Lui ne se rappellera que ce qu'il aura gagné par chacun de ses dons. Τι μπορεί να θυμάται μια φλόγα. Que peut se rappeler une flamme. Αν θυμηθεί λίγο λιγότερο από ό,τι χρειάζεται, σβήνει. Αν θυμηθεί λίγο περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, σβήνει. Si elle se rappelle un peu moins qu'il ne faut, elle s'éteint. Si elle se rappelle un peu plus qu'il ne faut, elle s'éteint. Να μπορούσε να μας διδάξει όσον άβει, να θυμόμαστε σωστά. Si elle pouvait nous enseigner tant qu'elle brûle, à nous souvenir avec justesse. Thank you. άδεια η πόλη δε φάνη και ψυχή. Και το φεγγάρι μόλις χάθηκε στη δύση. Και εγώ σε γυρεύω σαν μοιραία λύση. Belle musique qu'on écoute. En ce moment, c'est une chanson grecque qui s'intitule Pruino Tsigaro, la cigarette du matin. Et dans cette version, elle est chantée par un groupe marseillais qui s'appelle le Fado Rebetiko Project. Donc, vous avez l'occasion de les écouter assez souvent et on vous les conseille. Donc, après cette petite publicité et après la fini la partie sous la Grèce, on va pas des prochaines dates, des concerts, pour faire de la pub, non? On n'a pas des dates, mais vous pouvez les trouver sur Internet. Et on va terminer le morceau sous la Grèce. On va repasser au contexte international. On va voir ce dont on parlait, c'est-à-dire les mouvements de libération qui ont, les plusieurs mouvements pour la libération et pour les droits civiques qui ont influencé aussi la réalité italienne. Et donc du coup dans les mouvements des droits civiques, et ben, un des endroits qui est quand même assez important, c'est les États-Unis, surtout dans les années 50 et 60. Et du coup, alors le mouvement des droits civiques, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord exclusivement quasiment le mouvement des Noirs, en fait, des Noirs des États-Unis, mouvement afro-américain. Alors le mouvement afro-américain, il se développe à partir des années 50, mais il dure jusque pendant toutes les années 60, voire après. Alors d'où il vient? La condition des Noirs aux États-Unis, elle est partie liée avec leurs conditions d'exploitation. Donc la cause de la révolte noire, elle n'est pas forcément à chercher. Ce qu'il y a à chercher, c'est pourquoi à ce moment-là. Alors pourquoi à ce moment-là? Parce que après la guerre, il y a l'État, il y a toute une propagande qui est faite pour dire qu'on va intégrer les Noirs dans le processus démocratique, que s'ils participent à l'effort de guerre, ils seront plus intégrés après. Et on vote, le Congrès vote quelques lois en faveur de l'égalité raciale, mais en gros c'est peanuts et ça change rien. Du coup, il y a une espèce de hargne dans la population noire qui commence à naître, enfin qui existe déjà depuis bien longtemps, mais là qui commence à apparaître. Alors les premiers mouvements, de cette nouvelle vague de la contestation noire aux États-Unis, ils apparaissent au début, à la fin des années 50 et au début des années 60, et surtout dans les États du Sud, qui sont les États traditionnellement esclavagistes, où il y avait toute la population noire qui bossait dans les plantations. Alors ces mouvements... ils vont se caractériser, si on peut dire, un peu par le fait qu'ils vont être majoritairement non violents, et ça va plutôt se caractériser par de la désobéissance civile, du boycott, ce genre de choses. Alors ça va être aussi vachement soutenu par les mouvements catholiques, comme par exemple le pasteur qu'on connaît tous, qui s'appelait Martin Luther King. Il venait d'Atlanta, donc une ville du sud. Et donc les mouvements cathos vont un peu pousser ce mouvement et en même temps en contrôler un peu la forme politique, donc dans quelque chose de plutôt non violent. Alors ça va se concrétiser dans quoi? C'est le fait qu'aux États-Unis, dans les États du Sud, c'était des États donc ségrégationnistes, donc c'est-à-dire qu'en gros c'était un peu comme en Afrique du Sud, c'était l'apartheid, donc la population était partagée entre noirs et blancs. Il y avait des choses pour les blancs, des choses pour les noirs, des places dans les bus pour les blancs, des places dans les bus pour les noirs. Et évidemment, les noirs étaient hyper pauvres, dans des conditions de merde, et donc quelque chose d'assez assez moche. Et donc du coup, les premiers actes un peu de désobéissance civile, ça va être d'aller à des endroits où les Noirs vont aller à des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller en fait. On connaît peut-être que vous connaissez l'exemple de Rosa Parks, c'est une vieille couturière qui s'assit dans le bus à un endroit qui est réservé pour les Blancs, et quand on lui demande de se bouger, elle dit non, et du coup elle est arrêtée et elle va en prison. Alors suite à ça, parce que suite au cas de Rosa Parks, il va y en avoir plein d'autres, et ça va un peu faire tache d'huile et ça va commencer à s'étendre à tous les États du Sud. Pour répondre à ça, les États du Sud vont réprimer vraiment hyper fortement, à la fois par les autorités, donc ils vont réprimer, ils vont emprisonner les gens, les arrêter, les emprisonner, les tabasser, voire les torturer, voire tout simplement les supprimer. Et en plus, il y aura des citoyens américains ségrégationnistes qui vont se venger sur les Noirs. Donc il va y avoir plusieurs meurtres sur la place publique, etc. Et ensuite, l'État américain, donc au niveau fédéral, constatera ce truc, constatera cet état de vengeance blanche sur les Noirs, mais ne fera rien. Donc tout ce contexte-là, je vais un peu vite, mais tout ce contexte-là amène à une augmentation quelque part de la colère noire aux États-Unis. Et on arrive en 1963 où il y a une grande manifestation qui est organisée à Washington de protestation noire pour marcher sur la capitale et marcher sur le gouvernement. Et au début, c'est pensé comme quelque chose de relativement offensif. Mais très vite, le président de l'époque donc des États-Unis, Mr. Kennedy, se dit que, un peu comme toujours avec les puissants, quand un mouvement... Quand les puissants deviennent trop forts, quand les mouvements deviennent trop forts, il faut commencer à les gérer, à les contrôler, plutôt que voir absolument les arrêter. Du coup, il propose à Martin Luther King de, à la place de faire une manifestation qui risque de dégénérer, etc., de faire un rassemblement où il y aura des discours, etc. Et c'est là que King a fait son fameux discours « I have a dream », etc. Donc voilà, suite à cette manif-là, il y a beaucoup de critiques qui sont faites parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont pas du tout d'accord avec ce truc hyper pacifiste et hyper gentil. Et donc on arrive dans la deuxième moitié des années 60 où la radicalisation de la population noire s'étend à tout le reste du pays, que ce soit dans le nord ou à l'ouest. Et il va y avoir, on passe de l'action, disons, pacifiste, qui cherche à se faire voir, la médiatisation, etc., pour montrer la condition terrible des noirs, à une contestation violente, donc par des émeutes, en gros. Et là, pendant toute la fin des années 60, il y a dizaines et des dizaines d'émeutes qui vont éclater dans tout le pays. Alors, pour vous donner un exemple, la plus connue, c'est celle des émeutes de Watts à Los Angeles en 1965, où, suite à l'arrestation brutale d'un conducteur noir qui se fait matraquer, et un témoin aussi qui se fait matraquer parce qu'il ose contester l'arrestation, il va y avoir plusieurs jours d'émeutes, et ça va se solder par 34 morts, des centaines de blessés et plus de 4000 arrestations. Et pendant les émeutes, donc, la ville va être brûlée et les magasins vont être pillés. Ensuite, dans la fin des années 60, toutes ces émeutes-là, il va y en avoir, bon, je vous passe, hein, mais il va y en avoir dans toutes les grosses villes, Chicago, Washington, Détroit, etc. Et et du coup, l'État va répondre à tout ça en promulguant une fois de plus des lois contre la ségrégation, en donnant le droit de vote aux citoyens afro-américains, particulièrement dans les États du Sud. Mais en même temps, il va déployer toute une répression contre la contestation violente des Noirs aux États-Unis, et le FBI particulièrement va s'appliquer à détruire matériellement et symboliquement tous les mouvements noirs, y compris par exemple le Black Panther, qui est un mouvement qui naît dans ces années-là et qui prône la défense armée de la population noire contre la population blanche. D'ailleurs, le nom du parti, c'était le Parti des Panthères Noirs pour l'autodéfense, le nom complet. Et donc ce parti va essayer de développer une espèce d'organisation autonome de la population noire qui essaye de se distancier un peu des Blancs, en se rattachant un peu à cette position tiers-mondiste, en disant qu'au final, ils sont quelque part, ils ont les mêmes conditions que les colonisés. Et donc en faisant des crèches, en faisant des soupes populaires pour les Noirs, dans les communautés noires, dans les ghettos noirs, et en faisant des choses culturelles, donc en repopularisant la musique noire, etc. Et tout ça va être complètement démonté par les autorités. Et ça va s'ensuivre parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes arrêtées et par énormément de révoltes en prison. Mais ça sera pour un peu plus tard. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution, because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution, well, my friend, it's gonna have to bend. About the destruction of all the evil, it will have to end. Ah, but it's gonna be all right. Everything's gonna be all right. It's gonna be all right. Donc moi je vais parler d'une manifestation, une grande manifestation qui a eu lieu à Palerme en 67 et qui est notamment reliée à la question du Vietnam. Donc pour rappeler la question américaine du Vietnam, en fin 64 l'aviation américaine commence à bombarder le Nord-Vietnam. En 65 il y a plus de 200 000 soldats américains qui sont envoyés au Sud-Vietnam et 200 000 autres en 66. Début 68 ils sont plus de 500 000 et l'aviation américaine se livre à des bombardements d'une ampleur rarement atteinte dans l'histoire du monde. De vastes régions du Sud-Vietnam sont déclarées Free Fire Zones, c'est-à-dire que tous ceux qui y demeuraient, qu'ils soient civils, vieux, femmes et enfants compris, sont considérés de fait comme des ennemis, et les bombardements y sont permanents. Au cours d'une opération surnommée Opération Phoenix, la CIA fait exécuter secrètement et sans procès plus de 20 000 personnes suspectées d'appartenir au parti communiste clandestin. À la fin de la guerre, bilan, 7 millions de tonnes de bombes avaient été larguées sur le Vietnam, plus de deux fois la quantité de bombes tombées en Europe et en Asie pendant la Seconde Guerre mondiale. On estime à une vingtaine de millions le nombre de cratères formés par ces bombes dans le pays. En outre, des produits toxiques avaient également été répandus pour détruire toute végétation. Quelques temps plus tard, donc, Pier Giorgio Bellocchio, directeur des Quaderni Piacentini, semble donc avoir raison lorsqu'il affirme que le développement technique de l'avion est une des plus grandes calamités du XXe siècle. Pour suivre, le barbelé, qui était une des plus grandes calamités du XIXe siècle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière vietnamienne au Laos, où un régime de droite installé par la CIA était confronté à une rébellion, la plaine de Jars, une des plus belles région du monde, selon l'historien Howard Zinn, était complètement détruite par les bombes américaines, elle aussi. Aux États-Unis, certaines des premières manifestations d'opposition à la guerre en 64 émanent du mouvement pour les droits civiques. L'expérience des Noirs avec le gouvernement américain les incitant à douter de toute déclaration selon laquelle ils se battaient pour la défense de la liberté. En 65, par exemple, dans le Mississippi, des jeunes Noirs distribuent un prospectus sur lequel on peut lire « Nul n'a le droit de nous demander de risquer nos vies et d'aller tuer d'autres gens de couleur à Saint-Domingue et au Vietnam » dans le seul but d'enrichir l'américain blanc. En été 66, 6 membres du Student Nonviolent Coordinating Committee sont arrêtés pour s'être introduits dans un bureau d'incorporation à Atlanta. Ils sont condamnés à 7 ans de prison. Il y eut plein d'activités de ce genre aux États-Unis contre la guerre du Vietnam. Les rappeler tous serait trop long. On peut rappeler Philippe Supina, étudiant en histoire à Boston, qui écrit le 1er mai 68 au bureau d'incorporation en Arizona. Vous trouverez 6 juin la convocation à me présenter au pré-examen physique en vue de mon incorporation. Je n'ai en effet aucune intention de me rendre à ce pré-examen, ni d'ailleurs de servir dans l'armée, ni d'aider en quoi que ce soit l'effort de guerre américain contre le peuple vietnamien. Il rajoute à la fin de sa lettre une citation du philosophe espagnol Miguel de Unamuno, qui pendant la guerre civile espagnole avait affirmé que parfois garder le silence c'est mentir. Le nombre des manifestations américaines qui suivent cette même logique sont énormes et on les voit dans toutes les parties du monde occidental jusqu'en Sicile en 67. Sur l'île, une marche de 5 jours est organisée. Elle rassemble par exemple Danilo Dolci, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est soutenu notamment par Bertrand Russell et d'autres dans le monde pour ses luttes notamment contre la mafia. Il y avait aussi le tout jeune Giuseppe Impastato et son groupe de Chinisi, que j'évoquais également la semaine dernière. Ce grand militant anti-mafieux qui deviendra de plus en plus dérangeant pour la mafia dans les années 70, ce qui lui vaudra d'être assassiné. Dans cette marche, qui part le 6 mars, elle traverse les villages de Partana, Castelvetrano, San Margherita Belice, Partinico et va jusqu'à Palerme. À chaque étape, ceux qui participent à la marche organisent des rencontres au centre des villes avec les habitants et Danilo Dolci, Carlo Levi, l'écrivain, le sculpteur Giacomo Borelli ou encore le héros de la résistance indochinoise contre les Français, poète et sociologue Vovanaï, qui participent à la marche, font des interventions sur l'émigration, la pauvreté, le besoin de changer de système, les manières d'agir. Ils passent également un documentaire sur la guerre du Vietnam et lisent plusieurs témoignages. Pour finir, je vais maintenant lire le compte-rendu, un petit extrait du compte-rendu écrit par Giuseppe Impastato à l'époque sur l'arrivée de la marche à Palerme. La dernière étape dirige la colonne à Palerme où un grand nombre de jeunes se joignent au cortège qui forme alors une immense foule dans les rues de la ville. À la place Calça, à 17h30, a lieu une rencontre festive avec la Palerme ouvrière. Il s'agit d'une grande manifestation populaire qui se caractérise en 2 points essentiels. 1. La condamnation ouverte de l'actuelle classe dirigeante pour son inefficacité, désormais longuement démontrée. 2. La ferme volonté d'en finir avec un monde, une manière de diriger la chose publique et tout ce genre de choses qui puent la pourriture. En premier, intervient Danilo Dolci, lisant les résolutions du congrès de Partana et rappelant la nécessité de rendre publics les résultats de la commission parlementaire antimafia. Après une série d'autres interventions, le Vietnamien Vovanaï conclut. Toute mon enfance et celle de ma génération n'a connu que la guerre. À 13 ans, j'ai connu la prison. La première nuit après mon arrestation, j'ai vu de mes propres yeux 5 de mes compatriotes torturés à mort. J'ai vu des femmes violées, des villages incendiés, des enfants jetés au feu. Mais tout cela est infime par rapport à ce qui se passe actuellement au sud Vietnam, jour après jour, nuit après nuit. Avez-vous déjà vu des enfants sous du napalm ? Avez-vous déjà vu des mères devenir folles devant d'horribles atrocités ? Imaginez-vous le ciel de Sicile, envahi de milliers d'avions, engins de mort, dont seul le bruit du moteur vous rend fou. Imaginez-vous vos maisons et vos plages devenir d'un seul coup des bases militaires. Aujourd'hui, dans le sud du Vietnam, il y a des filles qui échangent leur corps pour un bout de pain ou une bouteille d'eau. Nous devons, et tous les peuples du monde, doivent faire pression sur leur gouvernement pour demander 1. La fin immédiate de tout bombardement américain au Vietnam. 2. La fin du soutien américain au gouvernement Cai du sud vietnamien. 3. La constitution, au sud, d'un gouvernement civil élu par le peuple, indépendant de toute ingérence extérieure et pouvant travailler pour la paix. Vous avez compris que nos problèmes sont aussi les vôtres, comme je sens que vos problèmes sont aussi les miens. Une solution aux problèmes fondamentaux du Vietnam comme de la Sicile et de tous les pays du monde est nécessaire, non pour un seul pays, mais pour chaque pays. Vive le Vietnam et vive la Sicile. Plus tard dans la soirée, Jerry Cooper, chanteur noir, a chanté pour clore le rassemblement. Voilà, Jefferson Airplane avec White Rabbit, une chanson qui est tirée de Alice in Wonderland. Ça sera intéressant à reprendre plus tard parce que Alice a un rôle important dans les mouvements de 77 italiens. Mais ça viendra après. Donc ça se trouve qu'on a presque terminé l'émission. On n'a pas parlé de l'Italie cette fois-ci. Mais il y a pourquoi ? Parce que, comme on disait, ce qui se passe au niveau international, c'est très important pour on a des petits problèmes de micro, tout va bien, pour ce qui se passe en Italie maintenant aussi. Et en fait, là, on va parler d'un épisode qui est assez circonscrit dans la ville de Milan, mais qui a aussi également une résonance un peu partout, même dans le monde, et qui démontre bien comment ce qui se passe au-delà de l'océan et aussi au Vietnam a une influence dans ces moments en Italie, et notamment a une influence dans l'autonomisation des luttes par rapport aux partis et aux syndicats, pas que dans les usines, mais aussi en général dans la, so- dans la société, au sein de la société civile, et dans les écoles et dans les universités. Parce que par exemple, on a oublié de dire avant qu'en 1964, la même année de la mort du camarade Togliatti, il y a par exemple une ligue, une sorte d'association qui se met en place, qui s'appelle l'Association pour les divorces. Donc il y a des instances comme ça qui naissent pour des revendications qui ne trouvent pas leur place au sein des partis et des syndicats. Et donc, il y a des choses comme ça qui se mettent en place pour des revendications qui se font d'une autre manière. Et alors, ça c'était en 1964, et c'est un exemple de comment il y a de plus en plus cette autonomisation. Et pour parler de ce qui est l'influence de toute cette vague de mouvements pour les droits civiques et aussi... Donc on a parlé de, jusqu'à maintenant, on a parlé des mouvements afro-américains aux États-Unis, mais il y a aussi, bien sûr, les mouvements féministes et les mouvements pour les droits des gays et lesbiennes. Et alors, en 1967, à Milan, on est dans un lycée qui s'appelle Parini, qui est un lycée qui est... toujours jusqu'à aujourd'hui censé être un lycée pour la bonne bourgeoisie milanaise où vont les gens étudiants qui après vont devenir sont censés devenir la classe dirigeante en Italie. Et ben il y a un journal étudiant qui est publié dans cette école qui s'appelle La Zanzara, La Moustique. Et en 1967, les rédacteurs de ce journal décident qu'ils veulent traiter deux questions qui sont la religion d'un côté et l'autre l'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur la nécessité de l'éducation sexuelle dans l'école. Et donc ils publient un article qui s'appelle « Un débat sur la position de la femme dans notre société, cherchant d'examiner les problèmes du mariage, du travail féminin et du sexe ». Et pour faire ça, ils se disent, ben, au lieu de raconter des histoires comme ça, on va demander aux filles, à plusieurs filles de différents âges et formations, ce qu'elles pensent de ces problèmes-là. Et c'est ce qui certains des filles répondent, c'est démontre bien quel est le climat qui est en train de s'instaurer. Bon, par exemple, il y en a une qui dit... dans les rapports sexuels, ce qui me paraît le plus important est d'être complètement unie et donc les fils sont une conséquence secondaire. Il y en a un autre qui dit « La religion dans les champs de la sexualité apporte des complexes de culpabilité. » Un autre encore, si l'on m'offrait une vie entièrement dédiée au mariage, à la maison et aux enfants, mais plutôt je me tuerais. Ou encore, les deux sexes également ont les droits aux rapports sexuels avant les mariages. Après la publication de ce journal, un énorme scandale est dénoncé par notamment les étudiants catholiques du lycée. Tu veux dire que religion et sexualité, ça n'allait pas bien ensemble ? Bah, non, apparemment, ça allait très bien ensemble. Non, mais juste à l'époque, pas maintenant. Les étudiants catholiques, ils sont scandalisés et ils dénoncent cet article. Et en fait, les trois étudiants qui sont les rédacteurs du journal, qui sont deux garçons et une fille, seront dénoncés et ils vont passer un procès, en comparution immédiate à un procès où en fait, il y aura plus de 400 journalistes qui vont participer, dont même des journalistes japonais. Et ces cas, il va passer sur les médias, dans tout le monde, en Europe, mais aussi aux États-Unis et partout. Et dans ces procès, les étudiants, ils sont jugés et même quand pendant les cours du procès, les juges, ils vont demander aux gens en s'appuyant sur une loi du code pénal qui remontait encore au fascisme, comme ils sont des mineurs, parce que ils sont encore mineurs, enfin, il s'agit d'un lycée. Il va s'appuyer sur un article encore du code fasciste qui dit que s'il s'agit de mineurs qui sont amputés, on peut leur demander de se déshabiller pour vérifier qu'ils ne soient pas atteints par des troubles psychologiques ou physiques. Donc, par exemple, que les deux garçons vont obéir à ça, mais par contre la fille elle se refuse de faire cette chose si humiliante. Et en même temps aussi, par exemple, quand ils sont interrogés au commissariat, il y a toute une série de témoignages qui regardent, vous que, notamment les questions qui sont soulevées par l'article, c'est la position de la femme. Par exemple, la police, un commissaire de police va offrir une cigarette à la fille, elle refuse et ils lui répondent « Ah, mais alors, t'es pas si vicieuse comme on pourrait imaginer en lisant ton journal, en fait. » Et donc, pendant que tout ça, cela se passe, il faut rappeler aussi qu'on est en 67, donc jusqu'en 68 en Italie, il y a encore une loi qui, dans les codes pénals, qui punit l'adultère, mais que pour la femme, pas pour l'homme. Ça, c'est tout ce qui se passe autour de cette dénonciation de l'article de la Zanzara. C'est qu'après, il y aura une très grande mobilisation étudiante qui est considérée en sorte de mobilisation qui est vraiment précurseuse, je ne sais pas si on peut dire ça, on dit ça, et, du 68, parce que ça mobilise vraiment énormément de gens, et pas qu'à Milan. Et en même temps, pendant que cela se passe, il y a aussi des mobilisations à Milan comme dans d'autres villes d'Italie pour la paix et contre la guerre au Vietnam. Et il y a des arrestations aussi à Milan de 10 militants pour tout simplement diffusion de tracts sur la paix et contre la guerre au Vietnam. Au final, les trois étudiants, ils se rendent pas inculpés, mais quand même tout ce qui se passe autour de cette publication reste quand même comme un épisode qui révèle un peu l'état de l'art, disons, de la révolution qui commence à se passer dans les coutumes et aussi dans les prodromes de ce qu'on peut considérer comme un peu les prodromes du féminisme. Mais du coup, tout ce qui se développe là-dedans, c'est la pensée. On a vu qu'il y a toute la pensée internationaliste qui se développe à travers tous les mouvements de libération partout et leur réception en Italie, comme dans un peu tous les autres pays, et comme toutes les luttes un peu partout dans le monde se répondent les unes aux autres. Toute la pensée de la libération sexuelle aussi à travers cet épisode de la Zanzara. Et c'est ce qui est aussi précurseur de 1968 et de ces grandes mobilisations étudiantes, c'est à partir de 1966 les occupations d'universités. Qui étaient des choses qui se faisaient de temps en temps, mais pour des très petites revendications, pas grand-chose. Et à partir de 1966, notamment à Trento, c'est là que va s'ouvrir une première brèche dans le système de classe en fait, qui représentait les universités italiennes, parce que leur accès était réservé en grande partie aux gens qui étaient quand même plutôt de la classe moyenne et tout ça. Mais du coup, là-bas, à Trento, le diplôme de sociologie va accepter l'inscription de tous les étudiants qui viennent des instituts techniques. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, comme dans les usines, arrivent du Sud aussi pour étudier donc à Trento. Et donc, l'arrivée de... Mais là, on parle vraiment de beaucoup de gens. Sur 280 000 étudiants, il y a au final 220 000 personnes qui vont venir de ces instituts techniques et qui sont principalement composés par des gens du Sud de l'Italie. Et donc, ça fait tout un genre de tremblement de terre culturel et référentiel. Et du coup, il y a un gros mouvement d'idées. Et donc, ce diplôme de sociologie-là, un an après le fait que son inscription a été ouverte, il propose de le déclasser en sous-diplôme, ce avec quoi la plupart des gens sont donc évidemment pas d'accord. Et donc l'occupation de l'université va se faire avec, du coup, cette fois une revendication qui est assez grosse et qui est partagée par beaucoup de gens. Ils vont gagner et c'est à travers ça qu'ils vont se rendre compte que, en tant qu'étudiants, ils ont aussi une force et qui leur permettra de remporter des victoires. Et c'est aussi là qu'ils vont se rendre compte que cette méthode de lutte, l'occupation d'université, elle peut être très efficace. Et donc toute l'année 66 et en 67, il y a des occupations partout. Du coup, pour rester à Trento et pour rester aussi dans ce truc d'internationalisme dont on parlait, dont la pensée se développe, il y a un genre de saut qualitatif qui se fait dans ces occupations d'université-là, dans le sens où ils sortent de l'université, les étudiants, pour aller dans la ville et organiser une semaine de solidarité avec le Vietnam. Du 12 au 18 mars 67. Il déclare une grève politique de 2 jours à l'université, ce qui fait que le directeur de l'université va appeler la police, et donc il va y avoir des affrontements, l'affrontement, ce qu'on entend par affrontement maintenant, c'est les étudiants qui vont se faire éclater la gueule, arrêter, torturer dans le commissariat et tout ça. Et donc, ça crée aussi un saut de conscience politique chez ces étudiants-là, qui, après s'être rendu compte de leur force, voient que, eh ben, en fait, ils se prennent aussi la répression dans la gueule. Et donc, ça amène à une prise de conscience politique plus large et une radicalisation, jusqu'à ce qu'à l'automne 67, il y ait une proposition de grève active qui soit proposée à Trento, toujours, et une proposition de monter une université négative, du coup, qui remettrait en cause le statut de l'étudiant, qui dit que l'université correspond au fait de devoir répondre aux besoins techniques de la société pour organiser la domination d'une classe sur les autres. Car l'université est un outil de classe. Elle produit et transmet une idéologie particulière, celle de la classe dominante, qu'elle présente comme étant objective, une connaissance objective et scientifique. Et celle des attitudes, toujours celle de la classe dominante, présentée comme nécessaire et universelle. Seul le renversement de l'État permettrait une vraie restructuration de l'enseignement. L'étudiant doit donc agir au-delà de son statut pour la création d'un mouvement révolutionnaire et de la classe subalterne. Nous avons identifié l'université négative comme lieu d'intégration politique et d'analyse critique de l'usage des outils scientifiques proposés par les franges universitaires de la classe dominante dans notre université. Nous considérons l'université comme un centre de lutte, mais pas le seul, ni le principal, mais qui ne doit pas être sous-estimé, puisque c'est là que prend corps l'opération programmatiste du capital. Voilà pourquoi nous avançons ce projet d'université négative, pour exprimer cette tendance révolutionnaire. Et donc c'est à Trento, dans cette université aussi, qu'on va retrouver beaucoup Renato Curcio et Margherita Cagol, dont on va reparler plus tard, et dans pas très longtemps, parce qu'ils vont être en 70 à l'origine de la création des Brigades Rouges, mais c'est pas aujourd'hui qu'on en parlera. Et tout en parallèle de ces mouvements des universités qui est précurseur de 68, il y a aussi tous les mouvements musicaux et de la contre-culture, qu'on va devoir passer très très vite là-dessus parce qu'on arrive à la fin de... Oui. Voilà, c'est les mouvements beat que tout le monde connaît, les mouvements des cheveux longs, des gens aux cheveux longs avec les blue jeans, des gens un peu alternatifs, un peu pacifistes, un peu indie, et... On aime bien les décrire avec une affiche, un tract retrouvé au commissariat de police à Milan. Et apparemment, au commissariat de police, la seule description qu'ils arrivaient à donner, c'était par les tracts récoltés dans les manifs. Et voilà un tract où les groupes cheveux longs se décrivaient comme des provos, beatniks, plainers, nozem, teddy boys, blouson noir, gamler, reggae, stagi, mods, étudiants artistes, rockers, délinquants, êtres asociaux, anarchistes, ennemis de la bombe atomique, désadaptés, tous ceux qui ne veulent pas faire carrière, qui veulent mener une vie régulière, qui se sentent comme des cyclistes sur l'autoroute. Dans les jungles d'asphalte empoisonnées de l'oxyde de carbone d'Amsterdam, de Londres, de Stockholm, Göteborg, Tokyo, Moscou, Paris, New York, Berlin, Milan, Varsovie, Chicago, les provotariats est le seul groupe de rébellion qui reste dans la société du bien-être. Le prolétariat, qui est satisfait de pouvoir regarder la télévision, est devenu l'esclave des politiciens. La nouvelle lutte des classes se déroule entre les provotariats et la multitude des prédateurs. Le provotariat est une foule anonyme des éléments subversifs. Le provotariat abolit les consommateurs devenus esclaves. Nous vivons dans une société autoritaire. Les autorités établissent non seulement comme nous devons vivre, mais aussi de quoi nous devons mourir. Le provotariat a peur de la guerre nucléaire des autorités. Et en fait, en Italie, c'était la Beat Generation, c'était tous ces gens-là aux cheveux longs, dont il y avait déjà eu en Italie, dans l'histoire, des exemples plutôt illustres, comme Dante Alighieri, Giuseppe Garibaldi, juste pour citer. Et selon les bien-pensants, ces quatre cons d'anglais aussi, qui se faisaient appeler les Beatles, doivent être exiliés en Patagonie. Bah, pour placer un moment, c'est comme on les appelait Capelloni aussi dans l'histoire, en revenant un moment sur Milan. Ce qui veut dire les chevelus. Oui, avec beaucoup de chevaux. En fait, par exemple, à Milan, donc ces gens qui s'inspiraient du mouvement beatnik et qui sont si bien décrits par cette liste qu'on vient d'écouter, en fait, c'était aussi les gens qui se mobilisaient pour la paix contre la guerre au Vietnam. Et à un moment, dans ces années-là, en fait, ils commencent à camper en plein milieu de Milan et constituent une espèce de commune dans le centre-ville de la métropole de Milan, où ils commencent à vivre en communauté, et donc où ils pratiquent aussi ce qu'on peut appeler la libération sexuelle. Et pourquoi c'est un lien avec ce qu'on vient de raconter par rapport à cet épisode du journal du lycée Parini? Parce qu'en fait, dans ces années-là, il y a toute une floraison d'articles dans la presse de Milan qui dénoncent la fuite des gens, surtout des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons qui s'échappent de leur famille pour aller vivre avec ces beatniks. Qui s'est passé à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas très longtemps. Oui. et donc, il y a toute cette... Et on vient d'écouter aussi dans la description de ces beatniks tous les côtés anti-autoritaires. Et ça, c'est important aussi parce que dans la rencontre entre les mouvements étudiants et les mouvements ouvriers, c'est aussi toute cette partie anti-autoritaire que notamment les étudiants apportent au mouvement ouvrier. Mais cette partie anti-autoritaire est aussi toute une révolte qui s'est faite contre, banalement, l'autorité patriarcale et l'autonomie. Contre les coiffeurs, contre la lessive, contre les coiffeurs, les savons souvent aussi. C'est la maman. Et pas que. Et donc, en fait, il y a toute cette floraison d'articles qui dénoncent le fait qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus écouter leurs parents et qui, plutôt de vivre avec leurs parents, ils vont vivre avec ces capelloni dans cette espèce de jungle métropolitaine qui est le campement des beatniks en plein milieu de Milan. Il y a un personnage qui est devenu assez mythique, qui était un peu le leader, parce que même si, bon, il se disait libertaire et hippie, etc., mais il y avait quand même... Comme toujours, ça se passe dans les groupes de phénomènes de leaderisme. Donc, il y avait ce personnage qui s'appelle Melchiorre Zerbino, qui était vraiment celui qui a mis en place tous ces campements-là. Et pour revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire un peu les prodromes aussi, dès la libération sexuelle, mais puis il faudra bien voir si cette libération c'est vraiment jamais passée ou si c'était juste comme ça une illusion. Mais toute cette histoire des filles qui s'échappent de leur maison pour aller vivre avec les beatniks et ce qui se passe avec les journaux de la Zanzara fait qu'au bout d'un moment, quand on voit se mettre en place les revendications vraiment et l'organisation aussi du mouvement féministe en Italie, il y a quelque chose que les féministes commencent à dénoncer assez vite, et c'est le fait que maintenant qu'on a, on peut dire, on ne doit plus cacher on peut avoir des rapports sexuels avant les mariages, et c'est ce qui se passe parmi tous les gens, et ça c'est normal. Par contre, il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire que même avec les camarades ou les compagnons ou quoi que ce soit, les filles se trouvent face au problème que elles disent, si on couche avec eux, on est des putes, si on couche pas, on est des bonnes sœurs. Donc voilà, ça sera une des choses que les féministes italiens vont dénoncer en premier. Et du coup, voilà, on arrive à la fin de l'émission. C'était un peu, on est parti un peu dans tous les sens, mais c'était pour expliquer ce qui, du coup, la prochaine fois, on arrivera peut-être à faire, à savoir parler de 1968. Donc à travers la pensée de la libération, l'internationalisme, la pensée de la libération sexuelle, les occupations d'université, le rapprochement des mouvements étudiants et des mouvements ouvriers. Et tout ça va participer, en tout cas en Italie comme ailleurs, à cette explosion planétaire qui a été 1968. Et donc ça se passera de nouveau sur les ondes de Radio Galère le premier mercredi du mois de mars, qui sera le 4 mars. Le 4 mars. De 16h30 à 18h, toujours sur hébergé par Libre Débat. Et toujours sur les fréquences 88.4 des Radio Galère. Et on se quitte avec Gianna Nannini qui a écrit une chanson. Aussi une icône du féminisme italien d'ailleurs. Mais qui là pour le coup parle de cocaïne. Ciao. À la prochaine. Ciao. Verso la...